Et salut tout le monde, c'est Nico, ravi de vous retrouver pour ce vendredi après-midi en direct sur Cristal avec vos titres préférés qui arrivent, Lost Frequencies, Gaëtan Roussel ou encore David Guetta. Ça arrive dans le prochain quart d'heure, bienvenue. La première hit radio en Normandie, Cristal. Nico, et sur Cristal. Et salut tout le monde, ravi de passer ce vendredi après-midi avec vous. Avec Evan, on s'est fait un petit kiff. En fait, on a fait comme dans l'émission, échanger nos mamans, sauf que nous, on a échangé nos créneaux horaires. Evan a réveillé la Normandie ce matin et moi, je vous raccompagne chez vous après une journée de boulot, alors que vous allez peut-être chercher vos enfants devant l'école au moment où je vous parle. Bon, en tout cas, on va passer ce vendredi après-midi ensemble et je vais vous amener doucement, mais sûrement, en week-end. On va parler de Beyoncé, on va parler de télé, on va parler de comment sauver son téléphone portable de la noyade. Bref, le programme est plutôt chargé. Mais en tout cas, on est aussi là pour de la musique. Alors, je vous propose d'écouter Gaëtan Roussel juste après Lost Frequencies avec Crazy sur la première Hit Radio Normandie. Je vous souhaite un très bon vendredi après-midi. Oh Lord, hear me turn these words into a song, for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? So much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone. Crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy?